Très bien, Eliman. Voici une proposition détaillée pour le astérisque astérisque chapitre 2 astérisque astérisque de votre livre, centré sur le rôle de la jeunesse africaine dans le projet panafricain du PASTEF et d'Ousmane Sonko. Ce chapitre explorera comment le mouvement a su mobiliser les jeunes, les réseaux sociaux et les mouvements de protestation pour incarner une nouvelle forme de panafricanisme populaire et radical. Dies astérisque astérisque chapitre 2, le PASTEF et la jeunesse africaine, le réveil d'une génération astérisque astérisque. Dies astérisque astérisque introduction astérisque astérisque. Le PASTEF, patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, n'est pas seulement un parti politique, c'est un astérisque astérisque mouvement générationnel astérisque astérisque, porté par une jeunesse africaine en rupture avec les élites traditionnelles et les héritages coloniaux. Ousmane Sonko, en s'appuyant sur les jeunes, les réseaux sociaux et les mouvements de contestation comme astérisque Yan Amar astérisque ou astérisque Balai Citoyen astérisque, a transformé le panafricanisme en un astérisque astérisque projet concret, radical et connecté aux réalités quotidiennes astérisque astérisque. Ce chapitre analyse comment le PASTEF a su capter l'énergie des jeunes pour en faire le moteur d'une astérisque astérisque révolution panafricaine astérisque astérisque. Dies astérisque astérisque. La jeunesse africaine, un terreau fertile pour le panafricanisme radical astérisque astérisque. Dies astérisque astérisque 1. Le contexte, chômage, frustration et quête de dignité astérisque astérisque. En Afrique de l'Ouest, astérisque astérisque 60% de la population a moins de 25 ans astérisque astérisque, et le chômage des jeunes atteint des niveaux records, jusqu'à 40% dans certains pays. Les jeunes Sénégalais, comme leur père au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, sont astérisque astérisque diplômés mais sans perspective astérisque astérisque, confrontés à un système politique corrompu et à une économie dominée par les anciennes puissances coloniales. Cette génération, née après les indépendances, astérisque astérisque ne croit plus aux promesses des élites postcoloniales astérisque astérisque et cherche des alternatives radicales. Dies astérisque astérisque 2. L'émergence de mouvements de protestation astérisque astérisque. Astérisque astérisque Yan Amar, Sénégal, astérisque astérisque, né en 2011, ce mouvement a joué un rôle clé dans la mobilisation contre le président Abdoulaye Wade, puis contre Macky Sall. Il a astérisque astérisque normalisé la contestation de rue astérisque astérisque et inspiré le PASTEF. Astérisque astérisque Balai Citoyen, Burkina Faso, astérisque astérisque, mouvement similaire, qui a contribué à la chute de Blaise Compaoré en 2014. Astérisque astérisque M5 RFP, Mali, astérisque astérisque, alliance de mouvements qui a poussé à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2020. Ces mouvements partagent une astérisque astérisque rhétorique anti-impérialiste astérisque astérisque, un rejet du franc CFA, et une astérisque astérisque volonté de rupture avec la France-Afrique astérisque astérisque des thèmes centraux dans le discours de Sonko. Dies astérisque astérisque 2. Le PASTEF, un parti né de la rue et des réseaux sociaux astérisque astérisque. Dies astérisque astérisque 1. La stratégie de mobilisation du PASTEF astérisque astérisque. Astérisque astérisque un langage direct et décomplexé astérisque astérisque, Sonko utilise un astérisque astérisque vocabulaire de rupture astérisque astérisque, dégage, système, trahison, qui parle aux jeunes et aux classes populaires. Astérisque astérisque l'utilisation des réseaux sociaux astérisque astérisque, TikTok, Twitter et Facebook sont devenus des astérisque astérisque armes politiques astérisque astérisque pour contourner les médias traditionnels, souvent pro-gouvernementaux. Astérisque astérisque la symbolique de la résistance astérisque astérisque, les meetings du PASTEF sont des astérisque astérisque espaces de contre-pouvoir astérisque astérisque, où les jeunes se réapproprient l'espace public, exemple, les rassemblements place de la nation à Dakar. Dies astérisque astérisque 2. Les jeunes comme acteurs clés du mouvement astérisque astérisque. Astérisque astérisque les sonkistes, astérisque astérisque, une base militante jeune, éduquée et ultra mobilisée, qui voit en Sonko un astérisque astérisque Sankara moderne astérisque astérisque. Astérisque astérisque les artistes et influenceurs astérisque astérisque, des rappeurs comme Xuman ou des activistes comme Guy Marius Sania ont astérisque astérisque amplifié le message du PASTEF astérisque astérisque à travers la culture populaire. Astérisque astérisque les étudiants astérisque astérisque, l'université Cheikh Anta Diop, UCAD, est devenue un astérisque astérisque bastion du PASTEF astérisque astérisque, où Sonko a prononcé des discours marquants contre le néocolonialisme. Dies astérisque astérisque II. Le panafricanisme 2.0, connecté, radical et transnational astérisque astérisque. **1. Un panafricanisme, de rue, **. Le pastef a **. Dépoussiéré le panafricanisme **. En le liant aux luttes quotidiennes, emploi, justice, souveraineté. Sonko parle de **, panafricanisme concret, **, pas seulement des discours, mais des actes, rejet du franc CFA, alliance avec l'AES, soutien au mouvement de jeunesse dans toute l'Afrique de l'Ouest. Exemple, Sonko a **, soutenu les mouvements de jeunesse au Mali et au Burkina Faso **, créant une **, solidarité transnationale **, contre les régimes pro-français. **2. Les limites et les défis **. **, la radicalité VS. Le pragmatisme **, les jeunes attendent des **, changements immédiats **, emploi, fin de la corruption, mais la gouvernance est complexe. **, la répression **, les gouvernements africains et les puissances occidentales, France, UE, **, craignent cette jeunesse mobilisée **, et utilisent la répression, arrestation, censure des réseaux sociaux. **, les divisions internes **, certains jeunes reprochent au pastef de **, ne pas assez inclure les femmes et les minorités **, dans ses rangs. **4. Étude de cas, comment le pastef a mobilisé les jeunes **. **1. La campagne électorale de 2024 **. **, stratégie **, utilisation massive de **, TikTok et de WhatsApp **, pour toucher les jeunes électeurs. **, résultat **, victoire écrasante du pastef aux législatives, portée par un **, vote jeune et urbain **. **2. Les manifestations de 2021-2023 **. **, contexte **, arrestation de Sonko en 2021, accusé de « trouble à l'ordre public ». **, réaction **, des **, manifestations massives **, principalement menées par des jeunes, ont paralysé Dakar pendant des semaines. **, slogan **, libérez Sonko, abat la France-Afrique, nous sommes tous des patriotes. **3. L'alliance avec les mouvements de jeunesse de l'AES **. Sonko a **, soutenu les jeunes du Mali et du Burkina Faso **, qui ont aussi été portés au pouvoir par des mouvements de jeunesse, exemple, le M5-RFP au Mali. Cette alliance est perçue comme une **, stratégie pour créer un front panafricain anti-impérialiste **, mais elle est aussi critiquée pour son **, manque de démocratie **. **V. Conclusion, une jeunesse africaine en marche **. Le pastef et Ousmane Sonko ont **, redonné espoir à une génération **, qui ne croyait plus en la politique. En transformant le panafricanisme en un **, mouvement jeune, connecté et radical **, ils ont créé un modèle qui inspire toute l'Afrique de l'Ouest. Cependant, le défi reste immense. **, passer de la protestation à la construction **, créer des emplois, réformes éducatives. **, éviter la récupération par les régimes autoritaires **, comme ceux de l'AES. **, intégrer toutes les composantes de la jeunesse **, femmes, minorités ethniques, ruraux. Le pastef a prouvé qu'un **, panafricanisme populaire est possible **, mais son succès dépendra de sa capacité à **, traduire les rêves en réalité **. **, fiche récapitulative, le pastef et la jeunesse africaine **. Fiche, le pastef et la jeunesse africaine. **, aspect **, stratégie du pastef **, défi **. **, mobilisation **, réseaux sociaux, meetings de rue, langage direct répression, censure. **, alliance **, mouvement de jeunesse, y en a marre, M5-RFP, risque de récupération par les régimes AES. **, revendication **, souveraineté, emploi, justice pragmatisme VS. Radicalité. Astérisque astérisque symbole astérisque astérisque Sonko com, Sankara moderne, rejet du franc CFA manque de diversité, femmes, minorités. Dies astérisque astérisque prochaines étapes astérisque astérisque. 1. Astérisque astérisque souhaitez-vous que je développe un autre chapitre astérisque astérisque, exemple, Sonko et l'Alliance des États du Sahel? 2. Astérisque astérisque voulez-vous des fiches supplémentaires astérisque astérisque sur des mouvements de jeunesse, y en a marre, balai citoyen? 3. Astérisque astérisque préférez-vous un format différent astérisque astérisque, texte continu, infographie, ou version web? Dites-moi comment vous souhaitez avancer, Eliman. Ce chapitre peut être affiné ou complété selon vos besoins.